dollar. Personne ne peut subsister si ça te tait quelque part. Personne ne peut vivre si son cou est quelque part. Personne ne peut vivre si ça te tait quelque part. Ça doit être ensemble, vraiment uni encore. Ça sera ensemble, tout uni encore. Soyez soumise, mari, aimez vos femmes, femmes, soyez soumise. Ainsi dit l'Éternel, c'est la parole de Dieu. L'amour n'a pas de coût, n'ose plus mon frère. L'amour n'a pas de chiffre, n'ose plus mon frère. L'amour n'a pas d'insulte, n'y arrive pas mon frère. Libala, Libala. Jamais, jamais, lelo, okokota katikati na zamba, par exemple, na forêt équatoriale, okeno mona, ba makaku ba sangani, to ba antilope, otuna bango nini, ono, to yena libala ya ndeko na biso, gorille, te, jamais. Libala, ekelami pona mutu, wa kelami ni lilingi na zambe, lokola yo osa boyoka ngai mepona nyama te. Mpona banyama nde ekobo bango batumaka na ekobo. Jamais nyama ko pesa dot ya moninga na ye, to ngulu akono pesa dot na njili mpona mwasi na ye, kososo ngulu aza na njili kuna alongwa bandal te. Kaka mutu sosola masora swasumize ato mari, masora swasumize ainsi dit l'Éternel. Faites attention, ma soeur. Libala-o, mon canon en coloré. L'école nous apprend à plus 1 égale 2. Mais la Bible me dit à plus 1 égale 1. La science nous apprend à plus 1. A plus 1 égale 1. Je serai pour Jésus qui dit la vérité. Libala, mon canon en coloré. Oh Yahweh. De komoko ya tuna kinga ya lobi fe Patrice. Est-ce que tant que tu bina kawana na ba fête ya mariage, te ko sala pe change ya basi. Nazu ya camarade na ngana pesiye, nazu ya ye ya zu ya ngai na lobite. Eza propreté esengelite pwete tolo ya mwasi ya bato etutana na tolo na yo mobali mususu. Eza respecté pe yo ko pesa ye mwasi na yo. Esko ebi makamba bano yebisa ena leto yo yebi yango koko sutuka. Ecole nous apprend a plus 1 égale 2. Bible me dit A plus 1 égale 1. Je serai pour Jésus qui dit la vérité. Libala, mon canon en coloré. Yangwana na kubisa kanzambe mokolo mususu mwasi nangaye akebisa kifer moko alobina ye attention. Parce que tozaki na misu na batu ya ye abandi koyebisa mwasi nangaye na litoyi. Mwasi nangaye bise keba frere mbala ya suka litoyi kweza pona mobali nangaye. Pona yote lobabo ina yoka yo neko pusa na litoyi te. Oh mwasi ya libala, litoyi naweza pona nani? L'école nous apprend à plus un égale deux. Mais la Bible me dit à plus un égale un. Je serai pour Jésus qui dit la vérité. Bala parce que à côté qui les bala wana pour na conseil ya bato a tuna kinzambete ayitsi mo bali wana yebinde balengele la kabasi ndima lelo atikala na bana bibale na maboko mo bala kima aso regreter pour non nini parce que landa ki conseil ya bato landa de ya nzambe. Bana mon homme l'éternel Nyonso, mais bon, bas un étranger. Bala Kitoko, on a couple papa Willy, Otamba. Bala Kitoko, on a papa Kassongo, puis maman Bijou. Bala Kitoko, on a couple papa Damo. Bana mon homme l'éternel Nyonso, on a zozé la mabala nabino. Ou est-ce que c'est là, et le monde à Jésus Christ, on s'en va pas pour la gloire. Kitoko na couple ya papa Tony na mama Deance. Libala kitoko na couple ya papa Pierre Maluta. Bino nyonso bayene dans la musique chrétienne. Libala na bino ezala bien na Yesu Christo, bozala toujours modèle. Et vous gardez unité na bino timokolo Yesu kuya. Alléluia. Bala kitoko pona mama Sivingyama, mama na isose. Bala kitoko pona mama Esther Ngoi Musoko. Boza la soumise na mabala na bino, boza la soumise pona ba mibali na bino. Gloire à Dieu. Alléluia.